comment te moral. Même dégoûté, il me dit vas-y rafale. Presque 50 t'es plus là, vas-y là, j'suis trop mal. J'ai mes couilles, j'suis vaillant, t'inquiète, j'ai la mandale. Aucune boussole, j'sais plus où aller. Le bon Dieu est bon, lui mais mauvais. Le malheur te retombe dessus. À tout moment, j'finis écroué. Demande un habile, j'mangeais des passes en sel. J'vais baiser à tout, j'suis armé sur la selle. Privilège, j'pourrais tout niquer. J'ai comme un team pourvu qu'on me donne des règles. Écoutez, là, j'vais pas faire la fête. En cellule, ne repousse pas ton tête. Dégoûté quand j'repasse au passé, j'ai le cœur en garçon. Moi, jamais j'me la pète. J'gamberge, j'ai rêvé le sommet. J'voyais la daronne mal en train de pleurer. Le passé, moi, j'peux pas l'effacer. Le temps passe, moi, j'peux pas l'attraper. J'ai plus.